En Irlande, Hibernie du IVe siècle, les barbares habitués de pillage et de sang, vol, et assassinat, étaient sans retenue ni raison. C'est par un prodige merveilleux qu'ils se convertirent en cours de la vie de Saint Patrick, au point que le siècle qui suivit, cette petite île d'Irlande fut appelée l'île des Saints parce qu'elle couvrit l'Europe tout entière de ses missionnaires convertis. Sur cette île située au cœur de l'Irlande, près du lac Loch Derg, dans une caverne où Patrick s'était retiré, et prié Jésus de lui préparer un peuple, c'est là qu'il prêcha à ces barbares que ni les menaces de l'enfer, ni les promesses du paradis n'émouvaient. « Montre-nous ce que tu annonces, lui criait-il. » Il pria Dieu de lui accorder à ce peuple les preuves de ce qu'il disait, et leur disait plein de confiance. « Au nom du Dieu Tout-Puissant que j'annonce, va invoquer mon Dieu du fond de cette caverne, pour qu'il t'ouvre les yeux, et que tu croies. » Le barbare entra dans la caverne. Il vit. Et il crut. Et depuis, les nombreux pèlerins qui se rendent à la caverne l'appellent la caverne du purgatoire ou la caverne de Saint Patrick. Au début du XVe siècle, le moine savant, Denis Le Chartreux, rapporta cela dans son traité du purgatoire. On fit fermer la caverne en 1497 à cause de quelques scandales. Elle fut réouverte peu d'années après, et la croyance y habite toujours. Des récits de pèlerins conservés, on retrouve ceux d'Owen, en 1153, de Ramon de Perello, en 1397, et de Ludovico Ennio. Dans la vie de Montalvan, ce dernier avait passé sa jeunesse dans les grands désordres, lorsque la Providence le conduit aux environs de la caverne. Il se décida d'expier ses péchés sur terre et entra dans la caverne. Dans les 24 heures qui suivirent, il aperçut des hommes qui souffraient. Certains étant fouettés par des bourreaux, d'autres dans le feu et la glace, d'autres cloués par terre ou attachés à des roues, et aussi encerclés par des reptiles. En sortant de la caverne, ses cheveux étaient devenus blancs. Il se décida de finir ses jours dans un monastère. Patrick est né en 372, au bourg de Kilpatrick, Écosse, d'une famille patricienne. À 16 ans, les barbares l'enlevèrent avec des esclaves de son père et fut conduit en Irlande, où il devait garder des troupeaux, dans les montagnes et les forêts. Il souffrit beaucoup de la faim, des pluies, des neiges, et des glaces. Durant 6 ans, il supporta cette misère avec résignation, pour se rendre plus agréable à Dieu. Il profita d'une occasion pour retourner en Écosse. De retour dans la maison paternelle, Dieu lui fit connaître par des visions qu'il se servirait de lui pour convertir l'Hibernie. Il lui semblait voir tous les enfants de ce pays qui lui tendaient les bras du sein de leur mère et imploraient son secours par des cris lamentables. N'approuvant pas cette mission, sa famille, ainsi que le clergé de son pays, essayèrent de l'en dissuader, vu les dangers auxquels il serait exposé parmi les idolâtres.